les jours c'est la même, tous les jours c'est la merde, ça rabat des clients. Derrière le bloc le pizzer, et y'a les voisins qui serrent, ça a l'air que le jobber en criant. Et j'fume, j'suis trop pensif. Et j'bois, j'vois que c'est pas pour moi. Si tu me respectes, on sera compréhensif. J'dis quand, j'dis rien mais ton fils le voit. Pourquoi il me rend fou à moi? Y'a personne qui me donne à boire. Tout à l'heure j'ai clippé dans le froid, là j'suis au stud sans plus ma voix. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone de train, tu comme toi. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone de train, tu comme toi. Un, trois, tu sais d'où je viens. Un, trois, tu sais d'où je viens. Un, trois, tu sais d'où je viens, mon gros. C'est d'où je viens, hein, toi, c'est d'où je viens, hein, toi, c'est d'où je viens, mon gros. Me mélange pas, moi j'ai rien à voir. On a pas la même vie, l'argent fait pas tout. Check, je suis là le jour quand je suis pas là le soir. J'entends la Ferrari quand je fais des tours. Oh, sur pépé, j'ai pas du mal à décrire tout ce qui m'arrive, j'peux reprendre un coup, j'suis pété. Tu me connais, j'aime rire, j'aime trop le quartier, ouais. Les heures passent, le temps s'efface pas, on a tous grandi. On voulait être en place devant la juge, on a tous menti. Dans le froid en t-shirt, des spas, des jeunes. T'as trop fumé, t'es jeune, si t'es chaud, j'suis chaud. On va faire un tour, on va se mettre les ouais comme il faut. Arrête de jouer sur les mots, j'suis gentil mais j'peux te faire une démo. Faut qu'ils se la donnent, si son pote a fourré ça. J'suis la frappe, des fois j'suis une du com. C'est la crise de checkmec.com. Ce que ça ferait pas pour un verre pomme. Verre pomme, violet bleu, les petits veulent la somme. Suis-je une statue, tu veux une toffe, tu me dis pas s'te plaît. Ils se mettent tous à rapper comme si j'faisais facilement mon blé. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone du train, tu comme toi. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone du train, tu comme toi. Un, trois, tu sais d'où je viens. Un, trois, tu sais d'où je viens. Un, trois, tu sais d'où je viens, mon gros. C'est d'où je viens, hein, toi, c'est d'où je viens, hein, toi, c'est d'où je viens, mon gros. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone du train, je suis comme toi. Je suis le même, mon check je l'aime. Je zone du train, je suis comme toi.